Il y avait une conférence de presse qui s'est déroulée la semaine dernière où on a annoncé que trois personnes, soit Justin Saint-Pierre, l'arbitre d'Albanel également, le Pierre Lavoie, le sportif bien connu, et Sylvie Bernier vont aider le comité de financement en vue de la campagne de financement pour le Centre Aqua Gym. On veut chercher 1 million $. On en parle avec le maire de Boumsissi, Pascal Coutier. Bon matin, Pascal. Oui, bon matin. Pascal, pourquoi avoir choisi ces trois personnes? Je pense que c'est trois personnes qui représentent extrêmement bien là ce qu'on veut faire à Dolbeau-Mistassini, c'est-à-dire la promotion des saines habitudes de vie. On sait que ça va être un complexe, donc il va y avoir une piscine, il va y avoir un gymnase, et il va y avoir évidemment là l'aréna, donc tout ça mis ensemble va sûrement faire en sorte que les gens vont pouvoir utiliser ces installations-là. Justin Saint-Pierre, je pense que c'est un gars qui est très fier de venir du milieu, donc pour nous, c'est naturel et c'est une évidence d'inviter cette personne-là à s'associer avec nous. Pierre Lavoie, très connu dans le milieu, très connu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation, mais il représente très bien les saines habitudes de vie. Et Sylvie Bernier, ben c'est pour le programme d'enjeux pour survivre, donc un programme à lequel la municipalité, on a décidé de s'associer. Et ça, je peux vous dire que à partir du moment où on lui a dit ça, ben elle était très fière et encore là, elle a dit oui elle était très heureuse de participer à cette campagne-là. Quel rôle vont avoir ces trois personnes-là, en fait? Là? Des ambassadeurs, c'est l'image, mais ils vont-ils avoir d'autres choses que l'image? Ben, en fait, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est des ambassadeurs. Ils peuvent et aussi vont nous aider pour des contacts. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on fait des approches, quand vous comprenez une campagne d'1,5 million, ça sera pas seulement que dans le milieu, là, mais on essaie d'aller chercher de l'argent un peu à l'extérieur. Donc, ces gens-là sont connus. Donc, on se sert de leur notoriété là, pour nous aider à aller chercher le montant qui est visé. Là. OK. On va en parler de la campagne de financement. Je trouve ça beaucoup, beaucoup d'argent, 1 million, Pascal. Pourquoi la campagne de Télé-Radioton de Fondation de la vie, ils travaillent très, très fort. Ça touche tout le monde. Ils vont chercher à peu près 250 000 $ par année, puis c'est une organisation très, très bien rodée. Puis ils grattent, puis ils travaillent fort pour ça. Là. Pourquoi quand il y a cette campagne de financement-là, ils iraient chercher 1 million dans le milieu, compte tenu que l'économie est quand même vraiment pas facile? Là. Ben en fait, là, je veux juste vous répéter que c'est 1,5 million, là. C'est pas 1 million. D'accord, pire. Dans le fond, là, il faut faire attention parce qu'il y a un risque pour une installation de cette qualité-là. Nous, on s'est quand même embauché une firme là, qui est spécialisée dans les campagnes de financement. Et je vous dirais qu'avec un sondage qui a déjà été fait dans le milieu, puis je l'ai dit tantôt aussi, c'est pas seulement que dans le milieu qu'on va aller chercher ça, là. On va solliciter des grandes entreprises. Donc, nous, on est très confiants. Et ce que les chiffres nous disent, c'est qu'ils sont très confiants qu'on arrive à aller chercher ce montant-là. Puis, faut oublier là que c'est l'infrastructure la plus utilisée dans la MRC. Parce que, tu sais, vous le savez, c'est un projet de la ville de Dolbeau-Mistassini-Porte. Mais tous les gens de la MRC vont utiliser ces infrastructures-là. On a aussi la section gymnase, on l'a dit, avec Madilout, là, qui a quand même près de 400 jeunes filles qui vont utiliser ces infrastructures-là aussi. Donc, c'est pour ça que pour nous, là, 1,5 million, là, c'est quelque chose, là, que, comme vous avez dit, qui est pas facile à ramasser. Mais on est extrêmement confiants. Puis, vous savez, c'est un défi. Puis, nous, on va relever le défi. Donc, on va le faire, je pense. Tu dis 1,5 million, mais c'est pas dans le milieu. Comment vous estimez le milieu? C'est 1 million, peut-être, que vous voulez avoir dans le milieu? On devrait arriver à ramasser cette somme-là. Non, nous, dans le fond, là, c'est que là, on est en train de faire les paroles. Ça va être quoi la motivation des gens? Et ça m'est revenu depuis la semaine passée. C'est quoi la motivation des gens de donner qu'on sait que le projet est déjà en cours? Puis ce qu'on aimerait, là, via ça, là, c'est d'aller ramasser à peu près 1 million. Et lorsqu'on annoncera publiquement qu'on commence notre campagne de financement dans le milieu, ben il devrait rester à peu près 500 000 à aller chercher. En tout cas, c'est ce qu'on vit. Ouais. En fait, c'est qu'on l'a annoncé dès le départ. Au départ, on avait annoncé dans la construction du complexe Aqua Gym, lorsqu'on a annoncé le financement, bon, on avait bien dit qu'il allait avoir une campagne de financement d'un million et demi. Donc, c'était déjà prévu. Et le but de tout ça, ben c'est pas compliqué. Hein. Vous savez, c'est quand même un projet de 17 millions de dollars. C'est un bon Est-ce projet. Est-ce qu'il va y avoir des augmentations de taxes donc, pour cette nous, campagne ben, de financement? C'est d'aller si jamais c'est au maximum là, la charge des contribuables à travers ce projet-là, parce que c'est quand même... c'est quand même un montant quand même assez énorme pour la municipalité. Même si les gouvernements sont là, ben il en reste quand même une portion qui doit être assumée la majeure partie par la municipalité. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte là, qu'on est là aujourd'hui. Non. Et de lier directement à ça, non. Il n'y aura pas d'augmentation de taxes liée directement à ça. Est-ce que le projet va très, très bien jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des retards? Parce que j'ai vu que c'était hiver 2021, donc ça va se terminer. Est-ce que là, parce qu'on sait, il va y en avoir d'autres, des projets, il va y avoir... Demain, dans le boom, c'est Pascal Gauthier, on va surveiller ça de près, on s'en reparle bientôt. Quand on parle des réseaux, des caducs, des goûts, tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut tout